L'adolescence, c'est une période où il y a, enfin, nos émotions elles sont plus fortes que quand on était petit ou quand on devient plus grand et mature, et etc. Du coup, bah, c'est vrai que c'est compliqué puisqu'on apprend à gérer nos émotions et on apprend aussi ce que c'est le fait de grandir, du sens où, par exemple, enfin, la vraie vie, du sens où il faut payer plusieurs choses et que c'est pas simple la vie, ou même que la mentalité elle change au fait des gens et qu'il faut. C'est pas, en fait, c'est plein de choses en fait. Mais du coup, c'est assez compliqué. C'est de quel âge à quel âge tu sais, toi? Je sais que l'adolescence. Non, c'est plus après l'adolescence, elle commence à 10 jusqu'à 13 ans. L'adolescence. Enfin. L'adolescence, elle commence à 13 et se finit dans les 17 ans, je crois. Ou 18. Voilà. Comment on sait qu'on n'est plus adolescent? Quand on fait beaucoup de crises, je dirais. Et qu'on exprime notre façon de penser mieux qu'avant, du moins. Et qu'on veut se faire entendre plutôt. Voilà. À l'adolescence, on a besoin de se faire entendre, c'est ça, tu dis? De se faire entendre et savoir essayer de se faire comprendre aussi. Parce que c'est pas simple des fois. Et par qui? Par qui? Ça peut être nos parents, ça peut être avec nos amis, notre famille, ça peut être avec les étapes, enfin les cours, les profs, ou même en dehors des inconnus, des gens comme ça. Surtout là en ce moment, il y a une mode de, c'est les puffs. les puffs, c'est des cigarettes électroniques jetables. Et c'est grave en ce moment-là, de, bah, grâce à TikTok en fait. C'est tout sur TikTok. TikTok, c'est ça, c'est... non, c'est ça, Flasha, les puffs. tout ce qu'elle va faire, la fille, bah, du côté du garçon, bah, ça, ça sera. Pas être, genre, il y a certaines filles, ça les attire en fait de voir ça. Et les garçons, bah, pour eux, ils vont se vanter, ils vont se vanter pour eux, ils vont aller se promener en ville, par exemple, normal, avec ça à la main. Ou même, ils vont prendre des photos, les poster sur les réseaux. Et une fille, c'est mal fait. Ouais. Une fille, je dirais. Elles font des ballons. Tu peux raconter ce que c'est faire des ballons? C'est un produit. C'est du gaz hilarant ou je sais pas quoi. Ça va dans ton cerveau. Et après, bah, en fait, tu te drogues. Ça monte au cerveau. C'est comme le shit. Et le shit, bah, c'est un truc que tu fumes. Mais les ballons, c'est... tu fumes pas, en fait, t'avales. Mais les deux, ils montent au cerveau. Et du coup, voilà. Après. Il y a un autre. Mais bah, c'est la santé aussi. Parce que sans la santé, t'es rien. Ah. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, adolescentes ou adolescents, bah, qui sont décédées. Pourtant, par exemple, quand on est petit, on dit souvent qu'on va mourir quand on est vieux. Alors que bah, quand on grandit, quand on évolue, et bah, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui partent avant. Peut-être sur la santé. Peut-être sur des accidents, enfin il y a beaucoup de choses, mais c'est. En fait, vivre, c'est un cadeau. Vivre, bah, on a la chance de vivre, c'est une chance. Et du coup, c'est important. Tu te dois de rester en bonne santé pour pouvoir profiter de ce cadeau. Il n'y a pas que la santé, mais la santé, ça compte beaucoup quand même. Parce que si je ne fais pas attention à moi, à ma santé, il n'y a personne qui va le faire, à part ma mère, mais. C'est à moi de faire attention et de me protéger. Voilà. Est-ce qu'il y a des maladies d'adolescents? Vous connaissez des maladies qui sont vraiment liées à l'adolescence? Bah, en fait, il y en a, ils fument, du coup, leurs poumons, ils se dégradent. Il y en a, ils boivent, leur foie, ils se dégradent. Ils font des ballons. Ah oui, les ballons aussi. Ça joue sur le cerveau. Il y a beaucoup de choses, en fait, à l'adolescence que tout le monde fait. Que ça nuit beaucoup à la santé, mais tout le monde croit que c'est un jeu en fait. Ils croient que notre corps, ils vont supporter beaucoup de choses. Il a supporté une fois, mais qui te dit qu'à la seconde fois, ça va supporter? En fait, c'est ça qu'on ne se rend pas compte. En fait, on ne se rend pas compte que franchement, de vivre, on a une chance de vivre, donc il ne faut pas la saisir. Il ne faut pas s'abîmer le corps, faut pas. Voilà, on peut s'amuser dans d'autres choses, pas en buvant, en fumant, en faisant des ballons. C'est la grande mode, les ballons en ce moment. Il y a plein d'adolescents dans vos âges et tout ça qui le font. Oui. Et quand on le fait pas, qu'est-ce que ça fait? Bah, comme nous par exemple, t'es coincé. Oh, tu veux pas te lâcher, tu sais pas faire des ballons. Après, je traîne pas avec des gens qui font des ballons, mais c'est ça. Genre, ils vont faire des ballons, ils vont dire, allez, ou bah, tu fumes pas, maintenant c'est choquant. tu bois pas, c'est chaud, quoi. Tu fais pas de soirée, c'est chaud, quoi. Voilà. Ouais. Tu restes chez toi, tu sais, c'est chaud, quoi. En fait, genre, vie, en fait ils disent, vie, t'es jeune. Oui, mais je suis jeune, mais je profite de ma santé, parce que vieux, j'ai pas envie que ça retombe sur moi. Voilà. Et il y a pas plus de pression que ça? Par rapport à quoi? Bah, par rapport à tout ça, sortir, faire la fête, droguer. Bah, franchement, après, moi, je sais que, personnellement, on a, j'ai pas été élevée dans tout ça. Du coup, bah, en fait, ce que les gens peuvent me dire, t'es coincée, ou tu fais pas ci, tu fais pas ça, ça me trouve pas. Si demain, je deviens des gens comme ça, ma mère, elle serait déçue de moi. Elle se dirait, je t'ai pas élevée comme ça. Donc, pourquoi tu fais ça, en fait? En fait, j'ai pas été élevée dans ça, du coup, bah, ça m'attire pas. Ça m'attire pas quand je vois les gens faire ça. Par exemple, les gens de ma connaissance, je connais des garçons qui font ça. Je leur dis, ça sert à quoi dans votre vie? Ouais, mais j'ai des soucis, oui, mais c'est pas en fumant, ou en buvant, ou en faisant des ballons, que vos soucis vont partir. C'est encore pire. Du coup, bah,